rester calme, ça sert à rien de s'emballer. J'sais pas vraiment ce qu'on veut, en inconnu, on fait que m'appeler. Non, on veut pas me lâcher, j'prends mes bagages en aller. Miss, retrouve-moi en ville, moi, j'vais me pavaner. J'sais pas, j'aime pas ton style, quoi, je n'ai pas vanné. J'vais me caler au tacos, puis j'ai deux, trois choses à régler. Tu peux tout remballer, j'viens pas à ton RDV. J'ai mes lunettes de soleil, j'suis posé dans le sud. Tu fais trop de manières. Si tu parles, assume. À FIFA, je lâche pas la manette. 3-0, j'assure. Tu ne fais que râler. Allez, fonce dans le mur. Quand la devise, on la connaît. Il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie. Fais la timide, on te connaît. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Je suis dans mon monde, on me dit que je suis malade. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, j'calcule personne, tu sais, j'me balade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Crois pas que j'fais la star, mais moi j'donne pas mon numéro. J'ai ajouté son snap, elle a voulu que j'lui passe l'anneau. Tu peux m'voir en survette sur les champs à Vapiano. Jamais sans le frérot, j'suis calé avec Samo. Là on a mis les warnings, ouais, on reste pas longtemps. T'es là, tu me parles de feeling, quoi, tu m'appelles le sang. Et l'autre me dévisage, j'crois qu'elle me trouve élégant. Tu tournes, tu perds ton temps, j't'ai grillé, fais pas semblant. Vas-y, passe voir un film, les autres ils sont vilains. On aura la ville, ah on est plus malin. Quand la devise on la connaît, il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie, il nous faut de la monnaie. Fais la timide, on te connaît. Tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller. Je suis dans mon monde, on me dit que je suis malade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Je calcule personne, tu sais, je me balade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Arc-en-ciel. Yeah.

sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que soy. La météo. Un dernier conseil de la météo pour ce mardi, pour bien démarrer la semaine qui va démarrer sous les nuages, malheureusement avec que quelques gouttes de pluie aujourd'hui, et ça devrait, je vous le disais tout à l'heure en antenne, perturber hein, malheureusement toute la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, des nuages et de la pluie, des températures plutôt pas mal quand même, 14-15 degrés. Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine le beau temps devrait revenir. Aujourd'hui on devrait dépasser les 14 voire 15 degrés sur la Chapelle Saint-Mémin, Chingy, Pithiviers ou encore Orléans. Passez un bon réveil. Coucou à Edouarda qui vient de se connecter. Salut Francky, belle journée à toi, bon réveil. Je vais au taf après avoir passé un bon week-end de Pâques où j'avais gâté mes enfants. Bah ouais, hein, beaucoup de petits gamins ont cherché des œufs dans les jardins ce week-end. Eh, c'était pas mal. Envoyez des photos si vous avez des belles photos. Vous m'appelez pour me raconter un peu ce beau week-end de Pâques que vous avez passé en famille. Belle journée avec Aya Nakamura. Ça, c'était les débuts d'Aya Nakamura. J'aimais bien avec Comportement sur Radio Arc-en-Ciel. Bah ouais, les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs... Les débuts d'Ayana Kanamura, belle journée, bon réveil, 7h25, vous qui allez au taf ce matin, on vous souhaite plein plein de bon courage, nos invités tout à l'heure, on vous en parle. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. On va retrouver tous les mois, bien sûr, c'est Elder pour le petit quart d'heure immobilier, hein, pour savoir les bons plans, pour pas se faire arnaquer. Si vous achetez un appart, une maison ou alors autre chose, et bien Elder va nous donner les bons plans peut-être pour vous, pour acheter une baraque, pour acheter un appart, et surtout pour ne pas se faire arnaquer. Avec Elder tout à l'heure, ça sera énorme. Et puis on va recevoir aussi 5 rappeurs aujourd'hui, des rappeurs qui sont de la région, ça me fait plaisir de les retrouver ce matin. Unity Crew seront dans nos studios pour nous parler justement de ce groupe de rap qui a été formé, 5 rappeurs, mais aussi une association. Ils vont nous donner un peu les bons tuyaux pour monter cette association. Que font-ils dans la vie, pourquoi ont-ils monté cette association, pourquoi ce groupe de rap aujourd'hui. On aura des extraits aussi à vous faire écouter du groupe Unity Crew. Ça va être de la belle radio, on va dire, à l'ancienne. On va déplacer Francky dans la radio, nos invités, ça sera vers 8h15, du son qui arrive avec DJ Ademar, Jade Décidi, et puis le meilleur de la musique. Et ouais, là vous allez prendre forcément un coup de vieux ce matin, 1996, vous aviez quel âge? Et ben voilà, eux, elles étaient en pleine forme, elles cartonnaient sur les hits aux États-Unis. Ainsi les Brandy Monica, The Boy Is Mine. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Stay for your man. êtes dans la voiture et vous dites, ah là là, ouais, mais quel souvenir, ça! Les deux frangines, Brandy, Monica, The Boy is Mine, ce garçon est à moi, ce mec est à moi. Bon, faut pas trop possessif quand même, pas trop jalouse, hein, c'est pas bon pour le couple. 7h30 minutes, heureux d'être là. Salut Chantal qui est connectée sur Orléans. Belle journée à toi, Francky. Bah ouais, je suis là. Et puis le son que vous adorez le matin, ça pour vous réveiller, vous emmener au boulot. Vous le kiffez, DJ Adema, Boy, Teddy, jamais c'est dit. Bon réveil. Essas tuas brincadeiras, só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Consequência, eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Ter que ficar aqui. Tu me fizeste chorar, oh baby, e não te vou perdoar. Yeah, já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. J'ai décidé, bon bah j'ai décidé d'être là avec vous jusqu'à 9h. Coucou à Eduardo qui nous connecte sur le Portugal. Salut Francky, il fait beau Portugal en ce moment, bah chez nous en France pas terrible. Eh ouais, pas terrible, hein. c'est gris, mais on est là pour vous donner la bonne humeur et la joie de vivre le matin. Le nouveau Bob Sinclair avec Queens, la reprise d'Orgrenize dans les années 2000. Ouais, ce groupe qu'on adorait, Never Know Your Love Like This Before. Voici le nouveau Bob Sinclair. I was lost. Cause I never knew a love like this before. Déjà, dans tous les clubs, il cartonne déjà un mec, hein. Queens, Bob Sinclair, Never Knew No Like This Before, la prise d'Organize dans les années 2000, ce groupe qu'on adorait, qu'on kiffait, Radio Latina, hop là, le meilleur du son latino pour vous réveiller, Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM, Don Omar, Dale, Don Dale. Son reggaeton et que vous adorez, c'est pour Elodie qui nous écoute du côté de La Chapelle Saint-Mémin. Belle journée mon Francky, bah belle journée à toi aussi ma chérie. Voilà, La Chapelle. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Et les bons plans de la passerelle, c'est à Fleury-les-Aubrais. Quelle belle salle de spectacle. Ça va se passer ce vendredi 14 avril à 20h30, du théâtre sur scène. En ce temps-là, l'amour, un hymne à la vie, à sa poésie, à l'amour entre un père et son fils. Un spectacle spectacle et un théâtre à ne pas louper ce vendredi 14 avril à 20h30, notre belle salle de Fleury-les-Aubrais. Et on salue aujourd'hui la mère de Fleury qui nous écoute, Marie-Agnès, c'est Carole Canette. Bonjour Carole, belle journée, un homme à la mer, on adore sur Étienne Dao, vous l'arrivez tout de suite là. Belle journée et bon réveil sur le 96.2 FM. On est un peu perturbé après avoir passé un long week-end. En tout cas, on vous souhaite un très très bonne matinée sur la française. 7h, 9h. What's it, Dao? C'était bien là le fameux paradis. Y mettre un pied marin mais se sentir saisi par ton regard chaud. Ton regard chaud. Alors que l'on se voudrait fort et fier, fondre comme les glaçons au fond de nos verres, boire la nuit entière pour ne plus se taire. Étienne Dao, quel souvenir, ça j'adore ce mec, j'adore le personnage surtout, et puis il continue, il perdure, et quel chanteur, quelle voix, redétagez-vous, c'est Francky dans la radio. José qui nous envoie un petit message, bonjour mon Francky, passe une très bonne semaine, une semaine raccourcie, bah oui mon José, Cap 45, ça y est c'est parti, hein, les peintures, on y va, hein, bah, on y va la carrosserie, heureux d'être là, Francky dans la radio, on nous écoute aussi en Belgique, le petit Chiré qui est là-haut, on l'aime. Salut la Belgique. Ah, je devrais faire une fois comme ça, là, parler, bah, faire l'animateur radio, là. 7h47 minutes sur Radio Castel Orléans. Voici Coquemin, When Your Heart Has Wake. Your heart is weak, I'm gonna pick up. Plus des duos comme ça, hein. Courage à vous si vous allez au taf du côté d'Olivet, du côté de la chapelle Saint-Mémin, Saint-Privé. Dri, on nous écoute à Dri aussi, on nous écoute à Châteauneuf-sur-Loire, on nous écoute en Belgique et ça, ça me fait plaisir. Bonsoir, bonjour les Belges, 7h50, le son latina pour bien vous réveiller et vous donner la patate le mardi matin parce que, bon, semaine raccourcie quand même. Hein. Moi c'est DJ Blaster à Amame. Bon réveil, belle journée, courage à vous. bien un petit peu de soleil comme ça pour vous sortir du lit ce matin. 7h53 minutes, on est en direct et je suis heureux de vous retrouver. C'est Francky dans la radio. Coucou à Stéphane qui est là. Salut Francky, belle journée. Pas de soleil aujourd'hui, malheureusement des nuages, mais le soleil est là avec Chino and Nacho sur la conciel Menina Bonita. Yo sentí que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Ne ratez pas le bal de la radio, c'est le 22 avril à Montition, une belle soirée radio arc-en-ciel. On sera là pour faire la fête avec vous, puis lui aussi, George Guerrero qui arrive et vous l'adorez sur arc-en-ciel. Bala bala bala, bélé bélé bélé, c'est sur votre radio couleur et celui-là, je l'adore, l'adore, l'adore, l'adore. Enfin, 22 avril à Montition, le grand bal de la radio avec George Guerrero sur scène. Você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho a certeza, vai pirar a tua mente. A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima está esquentando e só vai dar eu e você pra gente. Então vai ser o para, para, para, para, para. On est en direct ce matin. Coucou Elodie, salut Elodie, salut Pascal, connecté du côté d'Orléans. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Bah moi aussi, hein, après un long week-end, on est en direct 8h le mat avec le son Megamix DJ Mams. Céline Dion qui est arrivé Despacito, la version remix de Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et mon réveil. Samba Ouella, nos invités qui viennent d'arriver dans les studios, ça fait plaisir de les retrouver. Dans quelques minutes, ils seront là en direct. Et puis, on va parler d'immobilier aussi tout à l'heure avec Elder, vous le savez. Tous les mois, la petite minute immobilière pour avoir des bons plans, pour pas se faire arnaquer dans la vie. Si vous achetez un appartement, si vous achetez une maison, bah ouais, il faut savoir les bons plans parce que Elder sera là tout à l'heure à 8h30 pour nous expliquer tout ça. Et côté météo. La météo. Et côté ciel, cette semaine, ça va être carrément pourri, mais alors vraiment pourri, hein. Des nuages, de la pluie, malheureusement, et ça va perdurer. Le beau temps devrait revenir la semaine prochaine. Les températures ce matin enlevées du jour, 7 degrés, on devrait dépasser les 14, voire 15 degrés. Mais la pluie sera là, les nuages aussi. Et je voulais vous gâcher votre week-end parce que la semaine prochaine, il sera pourri. Bah ouais, retour du soleil dimanche, voire lundi, du son qui arrive à l'ancienne. Et puis nous inviter dans moins de 6 minutes en direct. Ils sont là dans les studios, au café, ils sont prêts, ils sont chauds, avec une belle barbe, des beaux cheveux. Les Nitty Cool sont dans les studios, les rappeurs, enfin on va parler de rap en radio, et en plus c'est de la libre antenne. 8h05 minutes en direct, nos amis qui arrivent. Oh, la patate ça le matin. Je pense au film, je pense au film à 8h08, on est en direct ce matin, nos invités qui arrivent, on appuie sur tous les boutons. C'est parti, normalement, c'est la technique de bien, merci. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Qu'est-ce que je dis, l'invité du jour? Oh là, il y a du micro qui sont en larcène là, voilà, c'est bon, on est en direct. Et nos invités sont là dans les studios, on va parler de rap ce matin, bon, pas tous les matins, mais là ça fait du bien un petit peu. Pour nos amis qui nous écoutent du côté d'Orléans, ils sont là, Unity Crew, on démarre avec qui? Eh ben, vas-y Slam. Salut, salut, c'est Unity Crew dans les studios de Arc-en-Ciel, ça fait super plaisir d'être reçu en tout cas, merci à toi Franck. Bah ça me fait plaisir que tu tapes le flow comme ça dès le matin, salut, salut, ça va Bah tranquille hein. Et merci pour les autres packs, ils m'ont amené un petit cadeau, bah des autres packs ça fait plaisir, hein. C'est vrai que j'en ai mangé tout le week-end mais bon. Et oui, tout à fait, le thé et le slam, là, pour vous régaler. On est là. C'est bon pour la planète ça, les autres packs, je peux vous le dire. Ah ouais. Donc Théo est là, c'est Théo c'est ça? Non, moi c'est Slam. Slam, et toi? Moi c'est Théo, hashtag le T. Voilà, on va démarrer avec Slam. Alors présente un petit peu le groupe si tu veux bien. Qui est Unity Crew? Unity Crew, c'est une bande de copains. On a commencé à deux avec mon poteau Sunman. Il est pas présent dans les studios ce matin, mais on lui passe le big up. Il travaille peut-être. Tout à fait. Il y en a qui bossent, hein, tout le monde peut pas venir à la radio. C'est vrai, et comme Charlie Ingalls, il va dans la forêt, il ramène du bois. Non, dans la menuiserie, mais ça revient. Ça revient à la même sûre. Ouais, c'est ça. Donc le groupe a été créé comment et pourquoi? C'est quoi? C'est des potes? C'est ça, c'est avant tout une histoire, une bande de copains, de passionnés de musique. On commence à toaster entre nous, ça commence par du beatbox. Puis après on a commencé à rechercher des instrus sur internet, on a commencé à se faire des contacts et à se développer petit à petit en allant au studio. Chez des petits producteurs comme Camerzo, comme des un peu plus gros chez LS Records. Et de fil en aiguille, bah, on a commencé à faire nos propres concerts et à organiser nos propres open mic aussi. Et ça fait combien de temps que ça dure le... Oh là là, approximativement... Plus... Ouais, ça... 5 ans, ouais. Ouais, Ah, 5 rappeurs, 5 ans. Bah, en fait, notre premier concert, je me rappelle que c'était la qualification lors de France-Argentine. Ah ouais, en 2018. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, je me rappelle très bien. Donc, les concerts qui s'enchaînent, alors? Ouais, ça va, ça s'enchaîne, on n'a pas non plus des grosses tournées, mais on arrive régulièrement soirées, à trouver quoi. Des contacts. Fin de semaine, par exemple, on va être au Club 15, à Orléans-Centre, là, vers le tribunal. Donc on a des dates qui commencent à arriver, et puis on espère pouvoir en rajouter d'autres, effectivement. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir dans le rap aujourd'hui avec tous les artistes que je vois défiler sur les réseaux sociaux? Tout le monde essaye un peu de faire du rap. Est-ce que vous arrivez à vous démarquer justement par rapport à ça? Ouais, dans notre ville, ouais, c'est clair que quand les gens ils nous croisent dans la rue, enfin surtout nos potes en tout cas, ils sont là de nous demander c'est quand le prochain son, c'est quand le prochain événement. Du coup, c'est vrai que quand c'est à l'air du temps, hein, tout le monde a envie de faire quelque chose, tout le monde a envie de se démarquer artistiquement. Mais j'y prête pas trop attention, c'est chacun a son style, chacun se distingue comme il est en fait. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. On est comme on est, on a notre patte et les gens ils nous kiffent bien parce qu'on est un petit groupe solide, on est un bon groupe sympa entre nous. C'est la bonne humeur aussi d'ailleurs. Voilà. Tu disais quoi? Je disais c'est pour ça qu'on a l'assaut aussi d'ailleurs. Ouais, on est une association du même nom et ça vient de ça justement, qu'on marche ou pas en musique, qu'on fasse de l'argent ou pas. Nous on avait cette volonté qui vient du hip-hop de faire ça en mode bloc party, en emmenant tous les copains et tous ceux qui veulent aussi passer au micro. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve à faire des premières parties en open mic où le public peut intervenir ou avoir l'association à côté pour essayer de créer des événements, même si du coup c'est pas nécessairement pécunier. Justement, tu dis, j'ai reçu votre mail, je le lisais là tout à l'heure, c'est une armée de bénévoles l'association, mais une armée, vous êtes combien? Eh ben, ça varie parce que selon les événements qu'on va réussir à faire, etc. Tu vois, on n'a pas besoin du même nombre de bénévoles, mais ça nous est arrivé, je pense, sur le projet Casa Musique, sur les plus gros, d'avoir peut-être une trentaine, quarantaine de bénévoles. Facile, ouais. C'est clair. Ouais. Ah ouais, carrément. Donc vous êtes fédérateur, il y a des gens qui vous suivent alors, vraiment. Ouais, tout à fait. Il y a un engouement particulier derrière tout ça, c'est que les gens aiment être ensemble, les gens aiment se rassembler, surtout pour des événements locaux en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez du rap en général en France? Bah c'est ultra diversifié. Si on donne plusieurs, il y a Naps, il y a tout ça. Enfin, il y a tellement maintenant. Moi, j'aime beaucoup comparer le rap au rock en son temps ou alors au jazz en son temps, ouais. Dans le sens où c'est vraiment une belle tapisserie. Et dedans, il y a plein de fils à suivre. Ouais. Il y a plein de choses à regarder. Il y a plein de... Aujourd'hui, on est dans un moment où le hip-hop, le rap, c'est ce qui est le plus écouté au monde. C'est vrai, ouais. Et ouais. Du coup, il y a une diversité, un florilège de trucs à trouver. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. C'est vrai, t'as raison. Le rap a pris un peu le dessus. Il y a quelques années, c'était un peu plus peut-être la house et l'électro qui étaient en vogue. Et là, c'est un peu en perte de vitesse, l'électro. Le rap a carrément pris le dessus. Pourquoi aujourd'hui en France il y a tellement de rappeurs? J'irais pas jusqu'à dire que l'électro est en perte de vitesse. Un parce petit peu. Que, en fait c'est quelque chose que le rap vient prendre beaucoup aussi. C'est-à-dire que quand t'écoutes du rap moderne, beaucoup de rappeurs modernes vont choisir des prods où il y a beaucoup d'électro, voire des choses plus hard, parce que ils aiment ça en fait aussi comme musique. Donc j'irais pas jusqu'à dire que l'électro est mort, parce que l'électro c'est les plus gros producteurs de toute la musique, pour la pop, pour le rock, pour tout. J'écoutais l'autre jour un interview sur notre radio électro, justement disait un grand DJ qui disait que l'électro commençait à se perdre malheureusement. T'as des discothèques électro qui ferment leurs portes malheureusement, et c'est dommage quoi. C'est dommage, parce que moi j'ai eu ma période où j'écoutais beaucoup électro, j'écoutais beaucoup, mais j'en écoute d'ailleurs même encore aujourd'hui, donc à savoir si le rap a pris le dessus, je dirais que c'est plus parce qu'on est plus concentré, on regarde ça, mais si on regarde un peu sur à côté, si on tourne un petit peu le regard, je pense que l'électro en fait a aussi son petit public, sa petite fanbase. Ouais, son gros public, même. Ouais. Moi, je connais pas mal d'eux. Je suis pas très jeune, hein. 53 balais, mais je connais des jeunes. Je les vois. Ils sont toujours avec leur portable en train d'écouter du rap. Et c'est vrai, à 75%. Moi, mes jeunes que je connais autour de moi, c'est ça. C'est le rap français. Et moins le rap américain. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, le rap français, j'ai un sentiment qu'il a pris plus. Ouais, je te dis ça de mon époque. Alors à l'époque, moi, il y avait IAM, il y avait Assassin, il y avait Arsenic, voilà. Il y avait Sniper, tu vois, des gens comme ça. Cool Chain, je sais pas. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est les anciens. Hein, on a un peu copié sur eux. On a continué ce qu'ils ont proposé, c'est-à-dire que même eux, ils sont, IAM est un bon exemple de ça, ils sont revenus des States, de voyage là-bas, en rappant en français et tout, en se disant, ça le fait. Et derrière, en fait, tous ceux qui ont aimé cette musique-là ont continué à un point tel que les Américains aujourd'hui nous regardent un petit peu quand même et disent, le rap français, ils en ont fait quelque chose d'un cool et qui est autre chose que le rap US. Ouais. Benjamin Epps, tu vois, il a été élu meilleur flow du monde sur un concours américain. C'est un Français. Ouais. C'est un Français originaire de Libreville. C'est assez impressionnant l'ampleur dans le monde que ça a pris. Moi, j'aime bien. J'écoute du rap d'un peu partout. Et enfin, c'est vraiment dans le monde. J'ai trouvé des raps en thaïlandais, en wolof, en arabe, n'importe. N'importe où sur la planète, tu trouves des rappeurs. Ouais. Parce que quand je t'ai vu arriver, je pensais que t'étais un rocker, moi, tu vois, à la base. Un mec d'ACDC ou... Ah, mais j'aime beaucoup le rock aussi. Ah, j'adore, ouais. C'est Wax qui dit que le rap, c'est le nouveau rock. Ouais. Je sais pas si t'as écouté, il a sorti un petit album, là, Lithium, avec un producteur, Seacall. Puis du coup c'est beaucoup de guitare électrique, de morceaux de rock et pas mal de rappeurs et rappeuses invités. On va écouter Orleans. Orleans City. Alors City Orleans. Gang. Je voulais dire aux Orléanais, parce qu'il y en a qui nous écoutent, ils savent pas trop, ils sont pas trop branchés, hein, comme on dit. Orleans c'est Orléans. Orleans City c'est une chanson sur Orléans dans notre prochain projet là qui va arriver bientôt. Du coup ça fait une petite exclue matinale. Dans le jargon souvent les gens disent on va Orleans, tu vois. On va aller se balader à Orleans. Et Orleans City, on l'écoute, si vous voulez, les amis. Allez, c'est parti. Ça, c'est vous. C'est et parti. Comme ça, après, on va voir. Hein. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Voici Orleans City. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Check. Bienvenue dans Orleans City. Plus de fric que d'habitants. Tu veux du taf, pourquoi pas la réussite? Bouge pas, t'es sur la liste d'attente. Bienvenue dans Orleans City. Que d'habitants, tu veux du taf pour charme. Est-ce que tu veux de la femme? Et si tu n'en veux pas, toujours moyen de tes grands posters. Encore pire dans le parc Pasteur. Vers la champignon, passez, passe encore quelques poseurs. Mais toute première connexion, comme chaque soir d'été, posé sur les BDL. De 7 mais 7 électro comme d'hab, on a mis le bordel. Ça commence rue de Bourgogne et ça finit dans la part des mondes que tu connais même pas. Tout le monde danse, reggae d'un sol et là ça va. Quand tout le monde s'en va, t'as perdu ton téléphone. Modélisons sont les femmes quand elles m'inspirent ces fables dans un cadre idéal, non loin de notre belle cathédrale. Les chiens d'Orline, c'est comme ça qu'on nous surnomme. On arrive en surnombre, ça sent la tarpin d'orgie. L'usine terre massive, le café Monsieur Chat font la culture de notre agglomération. Diversité dans les campus, dans ces rues, c'est la richesse pour les futures générations. Hommage à ces vieux maires qui verbalisent tous les sans-abri. Dommage, quand je ferai mes valises, ce sera pour partir en mer. En attendant, on compte toujours faire du bruit. Tu veux du taf, pourquoi pas la réussite? Bouge pas, t'es sur la liste d'attente. 45, s'il vous plaît. Bienvenue dans Orline City. Plus de fric que d'habitants. Tu veux du taf, pourquoi pas la réussite? Bouge pas, t'es sur la liste d'attente. Yeah. Bienvenue dans le 45 où les minots te mettent 47 à ta minette. À 18h, voiture cycliste ne savent plus conduire. Quelques rayons de soleil et ça se croit à Marseille. Ça taffe sur la capitale ou dans un hôpital. Force à toi, debout de l'aurore. Il faut faire les sous d'abord dès lors que le changement devient primordial. Et gardons le dialogue, j'ai vu des vestes retourner. Alors je tourne les talons, mais si t'as du talent, tu sais où nous retrouver. C'est là, c'est pour celles et ceux qui ne veulent ou ne peuvent plus partir. Le cœur et le compte en banque aura bien ses raisons. Pour tous les martyrs, ceux qui dorment par terre, cet enfant me demande pourquoi ils n'ont pas de maison. La plupart du temps, ici ça pue l'ennui. Quand tu t'éclates, un conseil, prends ton pied. Je connais cette ville backer, j'y ai marché la nuit pour un kebab. Mais va déraper, draguer, puis rentrer ailleurs. Celle-ci c'est pour les familles, les soudées, les séparées, celles qu'on continue d'opprimer. Les chauffeurs, contrôleurs, les fraudeurs, notre ville est libre, tâchez de ne pas l'oublier. Bienvenue dans Orline City. Eh bien, on est bienvenus dans Orline City. Plus de flics, apparemment, que de... De flics. Ah, puis au prix de flics, moi, non, c'était pas de flics. Non, c'est de flics. De flics à la base, c'est la première version. Puis on s'est dit, on va pas se manger des coups de matraque, on va dire fric. Hein. Ah, je préfère qu'on me tape avec des billets, moi. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Plus de flics, ouais. Pourquoi plus de flics à Orléans? Ville de droite. Ouais, il y a de l'argent un peu. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Bah, s'il y a de l'argent, il y aura des beaux projets pour vous, alors, normalement. Bah, ouais, merci, ouais. La ville. Il y a un comète qui est sorti de terre. Ouais. Ça montre, il y a des sous. Il y a de l'argent. Il y a des belles choses à faire. Bah, comète, ouais. Donc, quand j'ai vu le match de l'OLB, c'était archi blindé. Comme quoi, les gens, ils suivent, hein. Il faut le rentabiliser, le projet après, hein. Attention. Ah, les JO arrivent, ça va se faire. Ouais, bah, j'espère. Orline City, comment il a été écrit, les paroles de ce single? J'ai commencé à écrire Orline City tout seul dans mon coin, en fait, car j'ai été très inspiré d'un groupe qui s'appelle Face Cachée, c'est un groupe parisien, et dans leur son, ils disaient « Welcome à Panam Town ». Ouais. En fait, Panam, Paris. Panam, ouais. Voilà. Et dans ma tête, je me suis dit « Mais pourquoi pas faire la même, mais avec Orléans ?» Puis j'ai commencé à rappeler le texte devant mes gars, et mes gars, ils se sont dit « Mais viens !» Viens, on divise ton texte et puis on se prend chacun des parties et puis on le fait en concert. Ouais. Et ça a été la meilleure idée du siècle, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on le fait sur scène, c'est un grand succès. Les gens, ils nous disent, est-ce que vous pouvez nous la jouer, s'il vous plaît? Ouais. Tout le temps. Je verrais bien sur un grand zénith, là. Ah, ça fait plaisir. Franchement, ça ferait plaisir. La première partie de Big Flo Oli. Ça pourrait se faire. Franchement, ça sympa, non? Si on fait ça, on va leur donner chaud. En plus, c'est nous, on est 5. Ouais, vous avez des contacts, non? Ou pas, non? Bah, légèrement, mais pas tant que ça. Ouais. Ça serait sympa, un Zénith d'Orléans. Je kifferais bien. Moi aussi, je kifferais. Hein. Ça ferait plaisir de mettre Orleans en avant, en tout cas. C'est clair, ouais. Il y a des clips de prévus, là. On le clipait hier. On a commencé les premières prises hier. On a commencé à clipper. Là le Orleans City, je vous donne pas de conseils, mais là, il faut faire un truc avec Orléans, là. Non, mais on a été en Jamaïque hier, on revient, t'as vu? Peace and love. Ouais, non, mais, Ouais, sans déconner, on a commencé à clipper ce morceau-là hier, effectivement. Donc, tu vois, c'est marrant, tu l'as passé ce matin et tout. Ouais, c'est rigolo. Et du coup, tout ça, ça fait partie du futur projet où, tu vois, on parlait de la ville d'Orléans et tout aussi. Bah, justement, la ville d'Orléans, elle a mis des sous aussi pour nous aider, tu vois, à payer le studio. Ah, vous avez été en contact avec la mairie, avec les élus, Merci à eux. C'est quel élu de Balance? C'est Thomas Renaud? Non, c'est pas Thomas Renaud, c'est le sport. Alors non, parce qu'il y avait toute une commission, tu vois, c'est un truc qui s'appelle la Bourse Projet Jeune. Ah, c'est bien. On a un des membres du groupe, tu vois, qui était encore éligible à ce truc-là. Donc on a rédigé le projet de la Nettape, qui est sous l'aile de notre association. Ouais. Donc l'asso prend les artistes que nous sommes et nous aide. Mmh. Et du coup, on a été chercher de la subvention. Ce qui nous a permis d'obtenir 1000 euros de la part de la mairie d'Orléans. Donc on les remercie grandement parce que grâce à eux, on a pu aller au studio et puis faire tout simplement 11 titres qui devraient arriver prochainement. Waouh, voilà. Merci Sergio. Sergio, c'est Serge Noir. Je salue. Salut Serge. Et donc, si vous êtes jeune, renseignez-vous BPJ auprès du CRIJ ou de la mairie. Et vous pouvez peut-être concrétiser des projets qui vous intéressent. Ouais, vous avez des contacts avec d'autres assos pour éventuellement faire de beaux concerts? Ouais, on c'est a bien des quand contacts, on fuse un peu. Ouais, on a des contacts avec d'autres assos. L'Astrolabe, non, ça vous dirait pas? L'Astrolabe, on a démarché, on a des demandes. Ils sont déjà bookés. Ouais, l'Astrolabe, il faut s'y prendre avant. Ouais. Voilà, De ouf. Votre prochain concert, ça sera où et quand? Au Club vendredi. 15. Vendredi. Vendredi, là? Ouais, vendredi, là. Ouais. Au Club 15. Ah, on va aller voir ça. Ouais, après, en plus, on sera pas tout seul. Comme on disait, on aime pas trop faire les individuels. Mais du coup, on sera pas seul. Il y aura plusieurs groupes et tout. Il y aura DJ et tout aussi. Ça va être sympa. Yavanna sera là aussi? Ouais, il y aura MKDM. Elle a démarré ici, hein, Yavanna. Ouais. Il y a 10 ans, à peu près, à peine, hein. Ouais. Elle nous a fait une bonne passe décisive la dernière fois. Hein. C'était le mois dernier. Hein. Ouais, avec Albino. Exactement. Ouais, ouais. Voilà, elle nous a invités. Ça faisait super plaisir. Sympa. En tout cas, ça vous êtes bien sympa. Bien sympathique, les gars. Ça me fait plaisir qu'on fasse un peu de promo sur les groupes orléanais. Et vendredi, il y aura quoi? Que du rap? C'est autour du rap? Non, il y a c'est pas éclectique que du rap. Un peu, non? Ouais, c'est éclectique. Ouais. Il y aura même un open mic aussi pour les artistes que ça intéresse. On va faire défiler des bandes son. Ah ouais. Et il y aura des micros de branchés. Et puis ceux que ça chauffe, bah ils prennent le micro, ils déversent. C'est pas trop compliqué, justement, aujourd'hui, la musique, avec tout ce qui se passe, avec les réseaux sociaux, parce que tout le monde essaye de faire un peu de musique avec les réseaux. Et est-ce qu'il n'y a pas trop de gens sur les réseaux? Est-ce que c'est pas saturé pour se démarquer? Est-ce que tout le monde essaye de faire sa petite cuisine, quoi? Bah, en vrai, nous, on vient plutôt du live, tu vois. Et des open mic, des scènes ouvertes, des choses comme ça. Et du coup, on n'a pas encore vu trop ces difficultés-là, parce que c'est pas trop l'endroit d'où on vient. Ouais. Mais du coup, par contre, on n'est pas non plus des monstres sur les réseaux. On est suivi par quand même 800 personnes depuis le temps, 850 c'est personnes. C'est bien, c'est sympatoche. Ouais, c'est cool. Mais après, ouais, on n'est pas à payer de la pub et tout sur les réseaux. On est plus à essayer de faire des événements autour de chez nous et à ramener des artistes et à faire des animations, des choses comme ça. Slam, par exemple, il anime des open mic et des ateliers écriture régulièrement au petit bocal. Voilà, donc ça, pareil, ça lui donne une visibilité sur la ville. Ça permet de mettre de la musique dans la ville, de s'amuser un peu. À tes souhaits, hein. Merci. Et on fonctionne beaucoup comme ça, plus que par les réseaux sociaux à proprement parler. Là, c'est dommage parce qu'il y a le printemps de Bourges qui va démarrer bientôt là. Ça, c'est de la bonne scène, ça. Et pourtant, il y a eu un appel d'offres fait, et le mec il m'a jamais répondu. Ouais, c'est vrai. Vers Amboise là. Un tremplin à Amboise? Ouais. J'ai pas eu le contact. Non, j'ai pas. Moi, tu m'as filé le. Champy nous avait donné un formulaire. Ah! Comme ça. Même eux, ils m'ont jamais répondu. Ils m'ont jamais répondu. Ouais, c'est ça, des fois, ça. Mais le printemps de Bourges, c'est intéressant parce que là, c'est de la scène ouverte, là. Il y a beaucoup de découvertes, hein. Moi, je l'ai fait pendant des années sur notre radio. Et c'est vrai qu'il y a du monde et il y a beaucoup de personnes novices qui, je prends un exemple que j'ai à l'époque, j'avais fait, Olivia Ruiz, vous connaissez, ouais. Oui, bien sûr. Voilà, on l'a découverte au printemps de Bourges. D'accord. Avec truc chocolat, là, je sais plus quoi, là. La femme chocolat. Ouais, et ben, elle s'est fait découverte là-haut, et puis bon, voilà. Un super artiste, ça. Sympatoche, ce qu'elle a fait après. Ouais. Bah ouais, après, on connaît la suite, ouais. On connaît la suite. Avant de se quitter, on va écouter, pourquoi tu rappes? Pourquoi vous rappez? C'est une question ou on écoute le son? D'abord c'est une question, ou alors on écoute d'abord le son et après. Allez, on va d'abord écouter le son alors. C'est pourquoi tu rappes en direct sur Radio Arc-en-Ciel? Pourquoi tu rappes? Et ben après on leur posera justement cette belle question. En direct ce matin, Unity Clove sur Radio Arc-en-Ciel, pourquoi tu rappes? On rappe, on se rassemble, on se raconte nos vies, nos petites histoires ensemble. On pose nos voix sur des cendres, viens, on s'échaîne les soirs et que ça te serve d'exemple. Quand on prend le mic, c'est magique, rempli de bonnes vibes qui nous agitent. Dans les amplis qui crépitent, nos cœurs qui palpitent, viens dénicher avec nous la pépite. On aura toujours pour notre public. Je rappe parce que ça me fait kiffer. On dit ok, tu rappes, mais on sait même pas quitter. Je m'en fous par la musique, je me laisse guider. Un jour j'ai pris le mic et jamais je l'ai quitté. Je sais que t'es pas les sapes ni la face d'un rappeur, mais je répète là on m'attend hop, c'est pas une farce, c'est peut-être pour ça que t'as peur. Dans le rap, je ne cherche pas à être le meilleur. J'ai tout fait cri du cœur, j'évite les nids ta sœur. J'y mets des mots et de la douceur. Et si pendant que je kick, tu kiffes ce moment de partage, alors on sera les vainqueurs. Mon dojo, les mots, mon dos, musique et sémantique poétique. Do, ré, mi, fa, sol, do mineur, vi, sol, bémol, mi retombe au sol. Otaku de rap, éclectique en la musique. Rythme qui m'attrape, tatami musical, mi, MAO, impro lyrique à la mi. Langage solaire, si seulement ça l'air, tiré en portée, katana ma plume, yaito rims inopinés. Kumi des micros, ils ont raison de rêver, sens flou de rêve et son de fou. Pourquoi tu rappes, dis-nous pourquoi tu rappes. Pourquoi tu rappes, pourquoi tu rappes. Pourquoi tu rappes, dis-nous pourquoi tu rappes. Pourquoi tu rappes, pourquoi tu rappes. Je bosse mon thème. Je pose mon texte, qu'à cela ne tienne pour cacher le mal-être. Oui, je rappe parce que j'ai ça dans le sang. Depuis mon premier baladeur, je rêve de faire du son. Oui, je rappe pour assembler les gens et mélanger les gens, pas de question d'argent. Oui, je rappe parce que j'ai des projets, parce que j'ai connu des galères qu'on faillit me faucher. Oui, je rappe pour l'amour de la scène, mettre les mains en l'air, faire plaisir à mes frères et nos sœurs qui soutiennent. J'improvise et parfois c'est pas top, mais le style reste libre, c'est les bases du hip-hop et ça fait pop, pop, pop, pop. J'écris avec mes larmes et je rappe sur les notes pour soigner mes douleurs, il est de la couleur. Je la cote à Kerry James, c'est la go de Kenny West. J'y vais avec tout mon cœur et je rappe et encore, même si je sors du tempo. Hey. Au couteau, Unity Crew, la force des mots. Pourquoi tu rappes, dis-nous pourquoi tu rappes. Pourquoi tu rappes, pourquoi tu rappes. Pourquoi tu rappes, dis-nous pourquoi tu rappes. Pourquoi tu rappes, pourquoi tu rappes. J'rappe, j'kick, freestyle, j'rappe dans le sac. Sur du reggae, de la trappe, mon crew passe à l'attaque. Si j'm'explique, j'm'exprime sur des mémos tout roses. J'rappique mes répliques sur le beat comme des reliques qui explosent. J'tends, j'pends, j'dépense, c'est ça pour m'libérer. On m'avait mis en garde, j'pourrais plus m'arrêter. Du coup, c'est un vrai régal, j'fais ça pour m'assasier. C'est la bonne recette, regarde, toutes ces facettes s'écartent quand elles sont inspirées. Faire passer un message, parfois dur à digérer. Oui, je rappe pour avancer, car ce n'est que le début, mais ça ne fait que commencer. Adieu, ouais, ouais, je rappe pour que l'humanité soit sauvée. Avec mes paroles, combien de fois je vais l'éprouver. À chaque fois quand je sors, je marche sous la pluie, sans savoir où aller se déposer. Mais où aller quand y'a rien à faire. Le regard perdu, mais aussi le regard pointu. À des votants de la mer, pour une Cimmeria Air. C'est là que j'ai senti, d'où sont les mots, d'où sont les flots. D'où sont les mix, d'où sont les lyrics. D'où sont ces putains de tempos qui me font flipper à chaque fois. Hey, je suis Bambo, basa caramba, dis moi. Y'a cessé, c'est des mots, fais ma promo. Passe par le micro, je suis à côté des hardcore. Ça reste à leur faire savoir qu'on fait du rap à non. Ça reste à leur faire savoir qu'on fait du rap à non. Pourquoi tu rappes? Justement, on va le savoir. Pourquoi il rappe? Unity Crew dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel ce matin en direct, 8h30. Merci d'être là, les amis. Pourquoi vous rappez alors? Vas-y, mon gars, je te laisse répondre. This is the question. Bah, écoute, déjà, sûrement parce que j'écris. Ouais. Et parce que je parle et parce que je chante et parce que du coup, il faut rapper aussi. Ça va avec, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment un moyen de repasser beaucoup de l'écrit, des choses comme ça. C'est une autre moyen d'expression que de simplement converser. Et en même temps, ça se rapproche beaucoup du parler. Du coup, ça permet des... Ouais, c'est du parler, ouais. Des styles et des thèmes qu'on aurait du mal à aborder des fois en moins de mots. J'écoute, il y en a un dans le groupe, là, il a un accent un peu, je trouve, non? Il est pas de Marseille? Phénomène Bams, peut-être. Il est guinéen. Il est guinéen. Ah, il est sénégalais, ouais. Guinéen. Ouais. Ah, il a un petit accent, alors je me dis, ouais, c'est sympa en tout cas. Ça, ouais, puis des fois il rappe en wolof, en soussou. Ouais. Ah, d'accord. Donc, en tout cas, c'est bien. Donc, c'est cool. On adore. Pour vous retrouver, les amis, pour nos auditeurs, comment on fait pour vous retrouver quelque part sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, j'ai vu, bon, vous avez un Facebook, comme tout le monde, je pense, aujourd'hui. Ouais, vous pouvez facilement nous retrouver sur les réseaux sociaux, comme Facebook et Instagram, c'est Unity Crew. Ouais. Sur Instagram, c'est unitycrew.rr, par contre, à la fin. D'accord. Voilà, et dessus, bah, vous pouvez nous reconnaître, c'est la photo d'un petit fantôme entouré d'un drapeau africain. C'est nous-mêmes. C'est quoi le fantôme? C'est SOS Fantôme, le film? Voilà, c'est ça. C'est le même. C'est le même fantôme, j'ai vu, ouais. Et pourquoi ce... Ça, c'est faudra demander au designer Selman qui a dessiné, il a montré le fantôme, j'ai fait, hey, il pète! Ouais, c'est incroyable. Et puis, il l'a mis dans le logo, j'ai fait, ouais, ça pète! On n'a pas cherché de raison, c'est le rap fantôme. Mais après, j'ai envie de dire, ouais, le petit fantôme, c'est une symbolique parce que, quelque part, à la fois, on est un petit peu comme des fantômes dans ce jeu, tu vois. On nous voit pas trop. On sait qu'ils savent qu'on est là, mais on nous voit pas trop. Nous sommes normalement des Ghostbusters. C'est ça. Vous êtes un peu comme les Daft Punk, vous avez pas de casque, mais on vous voit pas. Alors là, j'ai vu vos têtes, c'est bon. C'est ça. Je les garde. Quand non, vous mais c'est tout à fait ça. Pour nous voir, il faut venir nous voir sur scène. Sur scène. Ouais. En tout cas, ce sera vendredi ou samedi. Vendredi. À 15. Allez les voir sur scène et puis découvrir ces nouveaux talents. Bon, je dirais ces nouveaux parce que beaucoup ne vous connaissent pas encore. Bon, vos 800 fans, ok, mais les autres. Venez découvrir de la musique, peut-être que vous prendrez goût à ce rap, en tous les cas, avec ce matin Unity Crew dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Les gars, on va se quitter avec Session. Ça roule, c'est parfait. C'est quoi carré. Ça C'est l'un des sons qui peut te décrire le mieux ce que fait de passer une soirée avec Unity Crew. Voilà, et ben on les écoute. Love and Unity Crew. Voilà, Session Unity Crew, on les écoute sur Radio Arc-en-Ciel et puis après on se dit au revoir. Ça vous va les gars? C'est carré. Allez, c'est carré. T'as vu, on est carré nous, hein. J'appuie sur tous les boutons, tout part en même temps. A tout de suite les gars. A tout. Assis autour d'un feu ou quelque part à la plage dans une avenue, on n'a pas trouvé mieux que de freestyle dans la rue. Tout ce qu'on fait dans ce milieu, qu'importe le lieu, la musique fera des ravages avec des rencontres, du partage, des glaces et les whisky va tant d'âge. C'est le frisson de la saison, tout le monde t'invite à tourner la page. On pourrait finir à la maison, mais à 50 ta soirée part en dérapage. C'est le but de cette chanson, vous exposez nos impressions. On profite, on perpétue la tradition. Passe le mic, c'est vivant sang. Compose avec passion, dans toutes les conditions. Aucun uniforme n'est imposé. Pas le fast food devenu comme vous êtes. On se fout de la norme pour chanter. Ce soir c'est Station. Et l'ambiance est bonne pour faire la fête, hey. Et l'ambiance est bonne pour faire la fête. Ce soir c'est Station. Fais-le plein de sensations. Prends un bol de vibration. Coupe ta PlayStation. Assieds-toi calmement. Joue de ta voix ou bien de ton instrument. Ce soir c'est Station. Fais-le plein de sensations. Prends un bol de vibration. Coupe ta PlayStation. Du nouveau. Assieds-toi calmement. Joue de ta voix ou bien de ton instrument. Des mots, un cahier, des ratures. Une démo sans papier, c'est aussi ça notre nature. De l'inspi, des instrus, on s'instruit. Les idées fusent, on s'enfuit. Là où ça fume pour faire tomber les murs, il faut que l'air qu'on expire soit plus pur. Entre nous, on s'entraîne à improviser. Ta peau t'apprend à viser. Les peaux affichent ta rime pour qu'elle soit déguisée. Nos poses à nous et à nu, elle n'est pas déguisée. Ok les gars, on est là à chercher des idées. À un moment, il va falloir se décider. Nos bouches pas, mais nos esprits sont en train de voyager. Si on est là ce soir, c'est pour partager, échanger. On se voit, on hausse la voix. Et c'est ensemble qu'on kiffe chanter. Je suis enchanté. Les manettes avec vous. T'as compris que c'est sans blagues qui te parle. Ce soir c'est Station. Fais-le plein de sensations. Prends un bol de vibration. Coupe ta PlayStation. Du nouveau. Assieds-toi calmement. Joue de ta voix ou bien de ton instrument. Ce soir c'est Station. Fais-le plein de sensations. Prends un bol de vibration. Coupe ta PlayStation. Du nouveau. Assieds-toi calmement, joue de ta voix ou bien de ton instrument. J'suis dans l'instant et je m'installe. J'suis dans l'ambiance, posé 4 à 16 bars. Il suffit de demander et j'ai dit oui les gars. J'appelle la pote qui bouge, le partage c'est royal. Un régal, tout est cool. 14 du mat, t'as les keufs qui déboulent. ce n'était pas pour nous. Y'a pas d'embrouille, les salés installe-toi. Plus on rit quand on est fou. Ça part en freestyle, chacun pose sur la mesure. Y'a de la vibe du rap posé en bas de ta rue. L'ambiance est validée, t'as pas idée. Trop agité, déjà c'est tâche du mat, personne n'est fatigué. On donne la vibe en live, on brûle les open mic. Et ça toute la night, trop d'inspiration à l'heure. Des lyrics et des rimes sur la fréquence du cœur. Mon garçon, je me mets pas la pression parce que ce soir c'est Station, fais le plein de sensations. Prends un bol de vibration, coupe ta PlayStation. Du nouveau, assieds-toi calmement. Joue de ta voix ou bien de ton instrument. Ce soir c'est Station, fais le plein de sensations. Prends un bol de vibration, coupe ta PlayStation. Du nouveau, assieds-toi calmement. Joue de ta voix ou bien de ton instrument. Ce genre de soir sacré, comme chaque samedi, viens si ça te dit pas de Rolls pour y aller, la rendre désinspirée. Ce genre de soir sacré, comme chaque samedi, viens si ça te dit ce genre d'espoir secret. Le secret si t'es peiné, viens ici nous écouter chanter. Mots enjaillés te font danser, comme après les mots, la peine est du rose au bambou. Dans la danse, on va danser sous le même diapason. Ce soir, c'est la session avec le bon son. Attention, cette soirée, Rick, c'est créer des beaux sons. À ta gueule, la faille, amour, ben la frisson. Autour de feu, ça cœur à sa façon. Main dans la main, nous nous localisons. Le mix dans les go caissons. Le mix dans les go caissons. Le mix dans les go caissons. Le mix dans les go caissons. Again, again, again, again. C'est Station, fais le plein de sensations. Prends un bol de vibration, coupe ta PlayStation. Du nouveau, assieds-toi calmement. Joue de ta voix ou bien de ton instrument. Ce soir c'est Station, fais le plein de sensations. Prends un bol de vibration, coupe ta PlayStation. Ce soir, enfin ce matin, c'est Station, session pour les purs français, parce que je parle aussi à nos amis français qui nous écoutent, parce qu'il y en a qui parlent pas beaucoup anglais. Session, là vous faites un appel à tout le monde un peu, hein. Pour le 14, ouais. Hein, le 14 c'est session, en plus c'est le nom de l'affiche. C'est-à-dire que tout le monde peut venir jouer un peu chez vous alors. Ouais, exact. Tout à fait. Exact. Tout à fait, on laisse sa place à chacun. On simple. Trouve qu'il est important de laisser les autres s'exprimer. C'est cool. On fait souvent des open mic. C'est bien, vous avez pas d'ego les gars, vous êtes tranquille. Ah si, on a de l'ego quand même, mais ouais, ça empêche pas de partager avec les autres. Le partage, c'est important le partage. Exact. Hein? Ouais. 5, le groupe va pas augmenter, non? Vous restez à 5 ou alors il y a des petits nouveaux qui vont arriver? La famille est grande et la porte est toujours grande ouverte. Ouais, en tout cas, vous êtes une grande association hein, aussi, c'est ça. C'est ça que c'est bien, comme tu disais, plus de 40 des fois. Ouais, on peut avoir du monde via l'association. Et bon, elle est toute jeune pour le moment, elle est dans sa troisième année de vie, mais c'est quelque chose qui marche bien et sur lequel il y a déjà plusieurs projets qui fonctionnent, qui nous permettent de faire des événements de musique, de faire du studio, d'enregistrer des artistes, de tout ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir ce matin en direct depuis 8h, en direct sur Radio Arc-en-Ciel, avant de parler d'immobilier. Vous êtes dans l'immobilier? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Après, on va passer un peu aux choses, un peu... tu vois ce que je veux dire, l'immobilier. Revenir les pieds sur terre. C'est notre mois, tous les mois, on a Elder qui vient nous parler d'immobilier. Voilà, les bons plans, les sales plans, pour pas se faire arnaquer aussi. Ouais, hein, c'est pratique. C'est super important. En tout cas, les gars, vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir, Francky. Dès que vous avez un projet, quelque chose, vous m'appelez. Se recontactera quand on approchera de la sortie du projet. Alors, ça devrait pas tarder, mais on se recontacte prochainement. Puis il faut qu'on fasse un petit live là, quand même. Ouais, avec grand plaisir. Cool, ouais. À 8h, ça va faire du bien aux oreilles, ça, dans les bagnoles. Les mecs sont au boulot là. Yes. Ça leur donnera l'énergie. On fera une session spéciale de work, travail pour le job le matin. On va donner de la force aux gens. Voilà. On va donner de la force. Merci les gars. Merci Francky. Et puis bon courage pour ce week-end. Merci beaucoup. Thank you very much. Allez les Unity Crew dans les studios de la Radio Française, ça m'a fait plaisir de les recevoir ce matin. On va parler d'immobilier tout de suite. Salut la famille. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta. Verre de rosé, un pas de côté. D'un coup mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peau frais. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie, avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton tchaout. J'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mon parcours. J'ai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie.

Ouais, c'est, et encore, je trouvais ça bizarre que les rappeurs se lèvent à 8h du matin, moi. Parce que mecs, en général, ils font la teuf, hein. On est tous différents. Exactement, Elder, bienvenue sur l'arc-en-ciel. Une fois par mois, on se retrouve, pour, bah, des bons plans, trouver des bonnes astuces pour acheter, pour vendre. Moi, j'avais une question, bah, une question qui vient de me surgir, là, entre deux machines à café. Vas-y. Quelle est la meilleure période pour acheter ou pour vendre? Est-ce qu'il faut vendre, acheter l'été, au printemps, l'hiver, à l'automne? Est-ce qu'il y a une période déjà? Alors, meilleure période, je sais pas s'il y en a une meilleure. Par contre, il y a des périodes qui sont un petit peu plus calmes. C'est aux périodes de Noël et au mois d'août, où les gens sont en vacances. D'accord. Après, dès qu'il commence à faire beau, on commence à avoir de plus en plus de biens qui commencent à apparaître. Mmh. Et donc là, vous avez plus de choix. Donc, je dirais qu'à partir de maintenant jusqu'à l'été, c'est une très très bonne période. Après, le retour des vacances, ça peut être pas mal, mais bon, des fois, on a plus la tête à payer nos impôts que avoir des projets. Ouais. Les périodes de vacances sont pas mal, c'est-à-dire là, avant les vacances qui vont démarrer vendredi, là, on peut mettre en vente des biens. Ouais, c'est des bonnes périodes. Si on a un projet, par exemple, hein, en ce moment, on a envie de s'en vendre sa maison. Ouais. En fait, en plus, on commence à avoir tout ce qui va être période où les gens vont être mutés. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à chercher et préparer les rentrées scolaires. Comme un bien immobilier, on dure à peu près 3 mois entre le moment où on a signé, on va dire, la promesse de vente et le moment de remise des clés. Donc, si vous commencez à chercher, il faut se dire que vous allez attendre peut-être 4-5 mois avant d'avoir les clés. Ouais. Pour les personnes novices qui nous écoutent, il y en a beaucoup, hein, qui sont propriétaires, qui ont une maison depuis 20, 25 ans, 30 ans. Ils se disent, tiens, on va vendre la maison aujourd'hui, enfin, cette semaine. Vous pouvez. Comment s'organiser, Elder? Alors, quelles sont les démarches à faire pour aider nos personnes novices? Parce qu'il y en a qui sont pas au courant, ils ont une maison. Oui, même ça change tout le temps, donc pour ça que c'est important d'avoir les bonnes infos. En 2023, là, à 8h51 minute bientôt, quelles sont les vraies démarches à faire? Qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs? Alors, la première démarche à faire, c'est que il va falloir un moment faire appel à un professionnel pour connaître la valeur du bien. Mmh. Parce que la valeur du bien, elle est vraiment, drivé par le marché. C'est-à-dire que demain, vous décidez de vendre votre bien, c'est pas vous qui allez définir le prix, c'est plutôt le marché qui va dire ça vaut entre temps et temps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que pour savoir aussi la valeur du bien, c'est qu'il va falloir faire des diagnostics. Tout ce qui est diagnostic obligatoire, ce qu'on appelle DPE, donc diagnostic performance énergétique, mais après, vous en avez plein, l'électricité, le gaz, l'amiante. Il y a 20 ou 30 ans, ça n'existait pas tout ça. Hein, on vendait sa baraque un peu à l'arrache, on va dire. Ah alors il y a 20 ou 30 ans, c'est vrai que on avait beaucoup moins de moyens de savoir l'état du bien. Mmh. Et donc il fallait soit plus s'y connaître, soit avoir les reins solides si on avait des mauvaises surprises. Alors qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On a des diagnostics qui nous permettent d'avoir un peu l'état des lieux. C'est comme le contrôle technique. Ah, comme une bagnole, en fait. Voilà. C'est ça. Voir si elle est en bon état. Exactement. Donc là, on fait les diagnostics, on fait tout ça. Ensuite. Voilà. Donc après, il faut la mettre en valeur. Donc, vous faites intervenir un professionnel avec du home staging, soit, vous rangez, vous désencombrez, vous retirez toutes les photos de toutes les millions de photos qui permettront pas aux personnes qui visiteront de pouvoir se projeter. Mmh. Et une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez défini le prix, vous commercialisez. Et après, commercialisation dit visite. Mmh. Une fois que visite et que vous êtes d'accord avec l'acquéreur pour un prix, souvent ça va dépendre, mais souvent vous allez, si vous êtes au prix du marché, vendre au prix que vous avez défini. Après, c'est direction les notaires pour la promesse de vente et après l'acte authentique. Tu parles de la visibilité, c'est vrai que c'est important, une maison qui est à peu près en ordre, rangée, hein, si on arrive dans un foutoir, ça donne pas envie. Moi, c'est important, les deux règles, c'est désencombrement et c'est rangement. Ouais, rangement. Voilà. Donc après, on va chez le notaire. Exactement, on va chez le notaire, on va signer une promesse de vente, donc cette promesse de vente, elle... C'est obligatoire ça, le notaire? Alors, c'est obligatoire. Il faut faire un pré-acte de vente. Donc, on peut pas, comme une voiture, la vendre comme ça, de main à la main. Non. Moi, je pose des questions bêtes, hein, mais... Non, mais c'est important. On peut le savoir, hein. Aller chez le notaire, comme ça, vous signez votre promesse de vente. Dans cette promesse de vente, en fait, vous allez déjà avoir la plupart des informations, et après, entre cette promesse et l'acte authentique, le notaire, il va vérifier aussi pas mal d'informations. Il va vérifier des informations d'urbanisme, mais pas mal d'informations concernant le bien et concernant aussi l'évolution de l'environnement. Donc, est-ce que demain, je sais pas, il va avoir un lotissement à côté? Est-ce que vous avez une autoroute qui va passer? Enfin, des choses. Bruit, est-ce que ce qu'on vous montre, ça appartient bien au propriétaire ou pas du tout? Bien sûr, enfin, des choses comme ça. Mmh. Et donc, le notaire, pendant, on va dire, entre 2 et 3 mois, bah, il va faire toutes ces démarches administratives. Ouais. Et vous, de votre côté aussi, enfin, l'acquéreur va, faire ses démarches pour le financement. Donc, aller chez la banque ou chez un courtier. Et là, en ce moment aussi, on est un peu dans l'inflation, hein. Alors, combien coûte justement, on va poser cette question, le notaire aujourd'hui, ça va nous coûter combien? Alors, en général. Alors, on appelle ça frais de notaire parce que c'est un abus de langage, mais c'est pas pour le notaire. Hein. La plupart va à l'administration. Hein. C'est des impôts qu'on paye. Il a un petit peu le notaire. Attends. Oh, il est à peu près 0,5% sur les 7. Sur les 7%, entre 7 et 8, vous avez entre 0,5 et 0,7, quelque chose comme ça, qui va au notaire. Tout le reste, c'est pour l'administration, donc de l'imposition. Ouais. Et toi? Et vous? Et vous, c'est-à-dire? Bah toi, les personnes qui démarchaient aussi pour la maison. Ah, les professionnels? Ouais, les pros. Alors, les professionnels, ça dépend. Moi, aujourd'hui, on en avait parlé la dernière fois, mes honoraires, ils sont en dessous de 4%. Mmh. Mais après, c'est un peu fixé librement. De toute façon, ça dépend aussi du professionnel. Quand on y réfléchit, quand on vend sa maison, on est un peu perdant parce que on donne beaucoup. Alors, c'est comme quand vous achetez une voiture. Hein. Ouais, la carte grise, c'est de l'argent qui part en fumée. En fumée pour l'État, surtout. Voilà, c'est de l'argent, c'est de l'argent qui part en imposition. Ouais. Mais on perd beaucoup, oui et non, parce que si on a investi, c'est un bien dans lequel vous habitez. Donc au final, vous avez investi pour votre confort. Vous n'avez pas forcément. Ça dépend ce que vous faites. Ça dépend si vous investissez pour gagner de l'argent. Ça dépend si c'est pour votre confort. En fait, il y a beaucoup de profils différents. Donc je sais pas si on y perd au final, parce que mettre, des centaines ou milliers d'euros dans un loyer tous les mois ou habiter chez soi et vraiment pouvoir se projeter, je sais pas si on est vraiment perdant là au final. Parce que quand on calcule, quand on a payé 20 ans de loyer, on fait le calcul, on s'est dit si j'avais su à l'époque, exactement, j'aurais acheté ma propre maison. Moi le seul conseil. Pour toi, le calcul, il est vite fait ou pas? Moi le conseil que je peux donner, ce que je peux donner, et c'est plutôt. Mais après faut voir avec les banques, parce que souvent les prêts bancaires, c'est pas toujours. Alors il faut faire avec les moyens qu'on a. Bien sûr. Réellement, ce qu'on peut dire et ce qu'on entend souvent, c'est que les gens disent si j'avais pu investir avant, je l'aurais fait. Si j'avais su. Donc plus vous investissez tôt, plus vous allez finir de payer votre crédit assez tôt. Donc après, ça dépend de chacun. Aujourd'hui, les taux, ils ont vraiment augmenté. On va dire qu'il y a un an, on était à 1%. Aujourd'hui, ça dépend des banques, mais on est à 3,5. Donc c'est vrai qu'on a perdu une capacité de financement. Ça, c'est la première chose. Après, il y a 25 ans, on était à 18% et pourtant, on achetait quand même. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire, on va attendre que ça baisse. Les gens après la Covid, ils nous ont dit ah oui mais les prêts ont trop augmenté, on va attendre. Deux ans après c'est encore plus cher et maintenant on peut emprunter encore moins. Donc moi j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire si demain ça va baisser. Par contre, est-ce que vous préférez aujourd'hui louer ou habiter chez vous? Ça c'est vous qui pouvez répondre à la question. Habiter, je pense que c'est la solution. Voilà. Après, il faut pas acheter n'importe quoi. Il faut être bien conseillé. Il faut savoir aussi quel est son projet. Je veux dire, si demain vous achetez et vous revendez dans 6 mois, il faut savoir que vous avez mis 7% ou 8% ou 9%. Et si vous avez fait intervenir un professionnel, peut-être 12% un peu dans la nature. Est-ce que vous allez le récupérer? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous le garantir. Ouais. En fait, ça dépend. Acheter une maison, il faut quand même voir à moyen long terme. On peut pas dire j'achète et dans un an je revends et après je rachète et je revends. Vous risquez de perdre de l'argent. C'est important d'acheter aujourd'hui, mais aussi d'investir à long terme, parce qu'en général, si on achète une maison, c'est à long terme, d'être bien, de pouvoir la garder quasiment toute sa vie. Après, on a quand même changé. Honnêtement, habitudes ont changé. Je veux dire, il y a 30 ans, on investissait, on restait 30 ans. Maintenant, aujourd'hui, les gens restent entre 5 et 10 ans dans leur bien. Donc on a vraiment une évolution parce que les gens plus facilement ils ont des mutations, plus facilement ils veulent changer de vie. Puis changer de vie, ouais. Ouais, voilà. Changer de décor, changer de région, changer de tout ça. Ouais. En fait. Changer de voisin parce qu'ils ont marre des voisins. Alors, quand on achète une maison, on achète l'environnement aussi avec. Justement, est-ce que t'as eu des retours par rapport à ça? On achète une belle maison, on est bien, puis là les voisins, bah c'est la surprise parce qu'on les connaît pas forcément et ils nous emmerdent tous les jours. Alors moi, c'est très. C'est quoi la solution? Alors, deux choses. D'une, quand vous achetez une maison, vous pouvez pas garantir le voisinage parce que demain ils peuvent changer. Les voisins, salut, vous êtes sympa ou pas? Non, mais en plus ils peuvent changer. Et de deux, des fois vous entendez pas avec un voisin, un nouveau arrive et finalement ils sont. Avant ils étaient pas sympas, maintenant ils sont super sympas. Donc ça dépend aussi, c'est du cas par cas. Donc moi souvent on me dit bah alors comment ça se passe avec le voisinage? Bon, sauf s'il y a une procédure en cours, et là bah on est obligé de le dire. Ah oui. Mais sinon je leur dis bah voilà, ça c'est vraiment du feeling que vous aurez avec vos voisins. Ouais, il faut être sympa en gros. Bah je sais pas s'il faut être sympa, mais c'est toujours mieux pour tout le monde s'entendre avec ses voisins. En tout cas, c'est bien d'avoir un voisin sympa quand même. Ah bah c'est agréable. Bien. Ah bah c'est agréable. Ouais. Avant de se quitter, les vices cachés, tiens, on parle de vices cachés. On a acheté une belle maison, et puis là malheureusement, tac, on tombe sur quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Alors, deux choses. Alors la solution, c'est quoi? Moi je sais pas, il y avait une fuite d'eau à la cave. Quand j'ai visité, tout allait bien, on m'a dit que c'était super. Et une semaine après, j'ai un mètre d'eau dans la cave. Alors, je sais pas pourquoi. Malheureusement. Il a plu abondamment, tu vois. Alors moi j'ai eu le cas sur une amie. Ça a plu abondamment et là, la cave est inondée. Mais ça, quand elle a acheté la maison, elle savait pas. Alors quand on achète une maison, on achète une maison avec ses qualités et ses défauts. Mmh. C'est-à-dire que, sauf si la maison, elle a moins de 10 ans, elle est sous garantie décennale, et là, vous pouvez avoir quelque chose. Ouais. Mais quand vous achetez un particulier, il n'est pas professionnel de l'immobilier, donc il vous garantit pas l'état de la maison. C'est-à-dire que demain, vous avez une inondation dans la cave, ou même demain, vous achetez une maison, vous achetez avec la cuisine équipée qui marche, vous signez chez le notaire, vous arrivez chez vous, il n'y a plus rien qui marche. Ouais. Donc là, vous pouvez pas poursuivre le vendeur. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on fait une visite d'avant-vente juste avant d'aller chez le notaire, pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise. Mais oui, c'est ça. Donc, malheureusement, si vous avez cette inondation, vous êtes assuré. Donc, peut-être que ça pourrait être couvert par les assurances. Et après, c'est pour ça qu'on essaye de faire au maximum les diagnostics. De toute façon, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez un doute sur la maison que vous achetez, un doute, zéro doute. Donc faites attention, faites-vous conseiller, allez revoir avec des amis, avec des professionnels pour dire, moi je suis pas professionnel, mais j'ai envie de me faire conseiller parce que vous achetez pas une baguette de pain. C'est clair. Donc c'est que vous allez investir pas mal d'argent. Il faut que ça soit agréable, un bien immobilier, un projet immobilier, il faut que ça soit agréable, il faut pas que ça soit des problèmes et des insomnies. Justement, pas un problème. J'ai un message avant de terminer et puis de te laisser aller travailler quand même. Jeanne, l'agence m'a vendu une maison en structure en bois sans me le dire, car il y a du crépi à l'extérieur. On ne le voit pas. Alors qu'elle savait que je ne voulais pas de maison en bois ou poutre suite à un incendie. Ah, c'est un vice caché en fait ça. Alors, en fait, elle m'a vendu une maison en structure en bois, sans me dire. D'accord. Il y avait du crépi, en fait, qui recouvrait la structure, je pense. Et du coup, elle savait pas que c'était du bois. Et cette maison, a eu un incendie. Et là, indétectable, alors. Alors là, le truc, c'est que... C'est quoi, le recours, là? Alors, les recours, tout ce qui est écrit reste. Tout ce qui est à l'oral ne reste pas. Donc, si demain, vous avez vraiment besoin, par exemple, de critères particuliers, il faut vraiment les écrire. Mmh. Une fois que vous passez chez le notaire, il faut vraiment que ça soit écrit. Mmh. C'est faux. Noir sur blanc. Et après, je pesais mes mots. Ce professionnel, en devoir de conseil, aurait dû lui dire, moi, à chaque fois que je vends une maison, je leur dis, quel est le type de maison? De toute façon, il faut savoir quel est le type de maison, parce que demain, vous investissez sur un type de maison, vous n'avez pas le même entretien. Si vous avez une maison qui demande de l'entretien intérieur ou qui demande une surveillance, ou si vous avez une maison qui ne demande pas de surveillance, c'est deux choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'il faut quand même aussi s'entourer de professionnels qui connaissent du technique et pas uniquement juste de la vente. Donc là, je pense que c'est assez compliqué pour elle. Je pense qu'elle n'a pas de recours s'il n'y a pas d'écrit. Ah, s'il n'y a pas d'écrit, c'est mort. Non, s'il n'y a pas d'écrit, de toute façon, fois qu'elle est passée chez le notaire, elle a accepté la maison. Elle a accepté la maison une fois qu'elle est passée chez le notaire. Donc après... faudrait voir aussi, ça se trouve, sur les diagnostics qu'on lui a fournis, ça se trouve, il y a un moment, c'était écrit structure en bois. Après, peut-être qu'elle a pas tout lu. Je sais pas. Donc bien lire hein, entre les lignes, Jeanne. Voilà. En tout cas, on a essayé de répondre à ta question. En tout cas. Et après, s'il y a des gens qui ont besoin de conseils, bah donne mes coordonnées. Mon premier boulot, c'est le conseil. Hein, donc si vous avez besoin. Boulot, une fois par mois, c'est la radio parce qu'il donne des bons conseils tous les mois. Vous le retrouvez le d'ailleurs avec des bons plaisir. Conseils. Alors, en tout cas, ça fonctionne parce que j'ai des questions, j'ai plein de choses. C'est important. C'est un domaine qui est assez compliqué et c'est un domaine aussi aujourd'hui qui un petit peu, c'est un peu une boîte noire. En fait, on sait pas trop. On se dit, on a un professionnel. Est-ce que les lois, comment elles se passent? Et honnêtement, ça change tous les jours. Donc, il faut être formé pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut appeler des professionnels. C'est pour ça que t'es là. En tout cas, on te remercie. Tous les mois, tu viens nous voir pour donner les bons conseils, les astuces, pour pas essayer de se faire arnaquer. Puis aussi, pour parler un peu de l'immobilier. Ça fait plaisir de te retrouver à la radio. Moi, c'est un plaisir aussi. Voilà. Merci, Elder. Je t'en prie. Passe une belle journée. Merci à toi aussi. Je vais donner rendez-vous tout de suite avec monsieur Laurenceau qui est là. Il est dans les starting blocks. Il est beau avec sa croix. Dis donc, Bandit. Monsieur Laurenceau, ça va? Il est prêt. Merci Elder. Salut. Allez, au mois prochain. Exactement. Voilà, ça sera le quart d'heure immobilier avec Elder, les bons plans. Comment dénicher ces bons plans, comment ne pas se faire arnaquer et puis des bons conseils aussi. Ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez pris des bons conseils là. Vous qui voulez vendre votre bien là cette semaine, voilà. Peut-être que vous avez des bonnes idées. Si vous voulez le contacter, n'hésitez pas. Je vais mettre sur la page Facebook le lien pour le contacter. Merci Elder. Bonne journée. Merci. Salut. Ciao, la famille. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions